So high, the gain so low. Walk through. Retour vers l'histoire, toujours et encore une autre petite rubrique que vous avez l'habitude maintenant, l'histoire de l'underground musical français, tirée d'un livre de Éric Dezay et Dominique Grimaud, qui va nous raconter en fait comment notre pays variété yéyé s'est transformé petit à petit en quelque chose d'un peu plus underground et un peu plus branché et plus sympathique. Allez, c'est parti. Représentant la figure de l'opprimé, les Noirs américains sont admirés en France et quelques-uns finissent par y venir. Ils préfèrent prendre le large vis-à-vis d'un contexte politico-social explosif. L'assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 a pour effet direct de radicaliser les forces en présence. Le Black Panthers Party, qui prône le séparatisme et l'institution d'un État noir, fait face à des forces gouvernementales et policières violentes, fermement décidées à contrer ces revendications dangereuses pour le pouvoir en place. Dans ce climat délétère, en signe de contestation, nombre de musiciens noirs américains rompus à la New Thing décident de s'exiler en Europe. La France, terre d'accueil du jazz depuis ses origines, perpétue finalement une longue tradition. Sonny Murray s'installe à Paris dès 1968. L'Art Ensemble of Chicago et Alan Silva y viennent à partir de juin-juillet 69. L'American Center Boulevard Raspail est alors, et ce depuis plus d'une décennie, à une étape obligée de l'avant-garde américaine de passage en France et devient aussi le refuge de G.I. refusant d'aller au Vietnam et de tout ce que l'Amérique compte de réfractaire. L'Art Ensemble séjourne à Paris jusqu'en 1971. Pour Alan Silva, l'exil est définitif. En Europe, l'accueil du public et de la critique vis-à-vis de la New Thing, autre appellation du free jazz, ayant l'avantage d'évacuer toute référence au jazz, est telle qu'il n'en faut pas plus pour se décider à choisir l'une ou l'autre des rives de l'Atlantique. Sorcier. Thank you. Dans les rédactions de Jazz Magazine et de Jazz Hot, le débat fait rage entre pro-free et anti-free. Tout le monde n'est pas converti à leur évolution, mais ces réactions sont la preuve même de l'intérêt suscité. Et pour cause, en mai 1968, le maoïste Michel Lebris est devenu rédacteur en chef de la revue Jazz Hot après le départ de Philippe Koechlin, qui se consacre entièrement à rock et folk. Michel Lebris soutient et participe avec son équipe de journalistes, pour la plupart orientés à l'extrême gauche, à une analyse du jazz qui mêle étroitement esthétique et idées marxistes. En octobre 1968, Charles Delaunay demandait à l'équipe rédactionnelle de mettre le holà à ce qu'il considérait comme une dérive maoïste. Il exclut finalement Michel Lebris en décembre 1969. Ce dernier devient quelques mois plus tard directeur du journal de la gauche prolétarienne La Cause du Peuple, dont le militantisme pro-révolutionnaire lui vaudra 8 mois de prison. En octobre 1968, le batteur Claude Delclos reprend une petite revue consacrée aux arts d'avant-garde et lance le magazine Actuel, principalement consacré au free jazz, dont le premier numéro, sous-titré « Jazz, pop, musique, théâtre, poésie ». Claude Delclos est bientôt rejoint par Jean-Jorga Caracos, dit Caracos, c'est plus simple, qui développe BYG avec Fernand Borozo et Jean-Luc Young depuis le printemps 1967. BYG exploite un catalogue de rééditions de jazz et projette d'installer des boutiques de disques dans les principales villes étudiantes de France. Un projet délaissé après le départ de Fernand Borozo au cours de l'été 1969. Ils se démènent ensemble pour organiser un grand festival pop en France. Claude Delclos participe à l'équipé qui entend profiter de l'avenue de nombreux musiciens américains au Pan-African Festival d'Alger en 1969 pour les faire venir jouer et enregistrer à Paris au cours de l'été. Jean-Luc Young et Jean Caracos prévoient d'abord d'organiser le festival pop au Halles, puis au parc de Saint-Cloud, mais il est successivement interdit en ces lieux, les rassemblements festifs de grande ampleur étant plutôt mal perçus par les autorités dans un contexte d'agitation sociale très tendue. Et puis le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, dit Raymond la Matraque, n'était pas franchement un fan de rock. C'est ainsi que le First Paris Music Festival s'exile pour se tenir à Amougy, à la frontière franco-belge, près de Tournai, du 24 au 28 octobre 1969. Le festival Marathon, 60 heures selon l'affiche, fait jouer sur scène côté pop, entre autres Frank Zappa, Captain Beefheart, Pink Floyd, Soft Machine, Martin Circus, L'Hameçon, Oui, Gong, l'indescriptible Chaos Rampant, Blues Convention, Zoo, et pour ce qui est du Free, un trio formé de Joachim Kuhn, Jean-François Jenny Clark et Jacques Tolo, l'Art Ensemble of Chicago, Frank Wright, Bayard Lancaster, Alan Silva, Sonny Murray, Burton Green, Don Cherry, Archie Shepp. Amougy, festival mythique pour ceux qui n'y étaient pas, tant le programme paraît sidérant, fut selon Paul Alessandrini un extraordinaire brassage de formes différenciées. D'après le long compte-rendu qu'il fait dans le numéro de décembre 1969 de Rock et Folk.

Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. L'expérience de free jazz sous l'égide des musiciens américains déclenche des initiatives tous azimuts, comme un coup de pied donné dans une fourmilière. Dès 1967 naît le Free Jazz Workshop de Lyon. Les jazzmen français développent peu à peu leur propre langage et puisent aux sources des musiques traditionnelles extra-occidentales. Jeff Gilson fait plusieurs séjours à Madagascar et fut même bloqué par les grèves de mai 68. Dans l'après-mai 68, plusieurs collectifs se forment dans un esprit autogestionnaire, le Coelmec, Dharma, Perception, le Machioul Big Band. Quelques musiciens français venus du jazz tentent l'aventure pop. Henri Texier, Aldo Romano et Georges Locatelli quittent leurs activités respectives pour former Total Issue, qui enregistre 2 45 tours et un album. L'intercommunal Free Dance Music de François Tusk fait se rencontrer des musiciens venant de plusieurs continents. Thank you. Vous êtes toujours sur le 100 FM. Maintenant, ça va être un peu l'heure de revenir à nos amours du concert sur Radioactif. Aujourd'hui, c'est les Sonic Youth qui vont être à la manœuvre. Enregistré en 1996 à Düsseldorf, on va voir deux bons morceaux qui vont nous remettre dans l'ambiance. Go! This is a song about a girl I saw once. It's called Because. Thank you. thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Easter to Carl Heinz. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Radioactive. votre émission Lost in Space, le rendez-vous rock'n'roll du dimanche soir. On vient d'avoir un petit concert avec Sonic Youth enregistré en 1996 et c'est le retour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de notre séquence lecture économique avec un beau texte sur l'économie distributive et ce qu'il faudrait faire pour sortir du marasme actuel. résultat est que les investisseurs financiers, dont la puissance est bâtie sur le contrôle des entreprises transnationales, ont désormais plus de pouvoir que les hommes politiques qui sont censés décider du sort des nations. Indifférents aux besoins sociaux dont ils ne sont pas responsables, ces nouveaux décideurs mettent au point leur propre politique au cours de colloques à huis clos, comme celui qui a lieu chaque année à Davos, puis l'imposent au gouvernement, le FMI et la Banque mondiale, leur servant souvent d'intermédiaires. Yeah. Persister dans cette voie, c'est aller tout droit à une explosion sociale, mondiale elle aussi. Le président de la Banque mondiale affirmait en 1997 que la pauvreté et les inégalités dans le monde représentent une bombe à retardement qui, si l'on n'agit pas dès maintenant, explosera la figure de nos enfants. Sans action dans 30 ans, les inégalités seront plus grandes. La population vivant avec moins de 2 $ par jour passera de 3 à 5 milliards d'individus. Un quart des forêts tropicales seront détruites, au lieu de 4% aujourd'hui. Sans équité, il n'y a pas de stabilité. Mais pour lui, le remède est la course en avant, la croissance économique. On vient d'en voir le résultat en Asie du Sud-Est, en Russie et au Brésil. En puisant dans la pharmacopée néolibérale, il ne pouvait pas en être autrement. Quand c'est de leur faillite qu'il s'agit, les plus grosses entreprises, celles dont l'objectif est la spéculation financière, ne sont-elles pas les premières à renier le postulat libéral ? Fuck you, man, I got this, let's stay on. us that we'll fail, 'cause we're too far gone to care. And time moves way too slow. Let's pick up the pace and go. La mutation a été si rapide que la plupart des gens n'en ont pas pris la mesure. Certains parlent encore de crise, comme si, avec quelques interventions judicieuses, les choses pouvaient rentrer dans l'ordre comme avant. Dans un environnement mondial aussi étroitement verrouillé, où dégraissage signifie profit, quelle peut être la marge de manœuvre laissée aux responsables politiques, même dans les pays démocratiques ? Qu'ils soient de droite ou de gauche, tous cherchent à s'accommoder du carcan néolibéral imposé et n'imaginent que des réformes dans les limites comptables fixées, qu'ils décrivent eux-mêmes comme des contraintes extérieures, comme s'il s'agissait de lois incontournables. Bref, ils reprennent à leur compte l'antienne chère à Margaret Thatcher, Tina, There is no alternative. Refusant l'idée d'avoir à penser au remplacement du système redistributif actuel, on en reste toujours à chercher des rustines pour l'aménager. Comment amadouer le renard pour le garder dans le poulailler ? see ya? When can I see ya? When it's snowing out again. Father John wants you louder and softer, closer, nearer than again. Needing you, taking you, keeping you, leaving you in a year and a day to be sure. That your face doesn't alter, your words never falter. When the night will come again, and we'll see ya, castles and Christians, and we'll see ya come to stay. You were lost once before on a day much like this, when you made up your mind not to come, and I couldn't persuade you, but wait till tomorrow. Closer and nearer than again, needing you, taking you, keeping you, leaving you in a year and a day to be sure. Never falter. I love you. Thank you. Créer des emplois nouveaux, c'est devenu l'obsession. Mais une initiative n'est pas bonne, a priori, sous le seul prétexte qu'elle crée des emplois. Pourquoi faire ? La production n'en a pas besoin, sa croissance n'a rien résolu. Les entreprises, parce qu'elles sont assujetties à la rentabilité, ne payent que le travail qui leur permet de vendre avec profit. Sauver au moins les emplois qui restent, certains vont jusqu'à la violence pour défendre des emplois à tout prix, même quand il s'agit de produire des engins de mort et des déchets dont le danger n'est pas maîtrisé. Make you think so. Thank you. Réduire la fracture sociale en redistribuant l'emploi qui reste, on a vu que la masse salariale ne cesse de baisser. Donc mieux la distribuer, c'est remplacer les chômeurs par des working poors à l'américaine. Ce n'est donc pas à terme la solution.